Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 22 juin 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 23 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir, Martin Pelletier au micro pour le libre journal de la liberté surveillée. Alors j'aime beaucoup décidément cet indicatif. Chaque fois que je l'entends, ça me fait penser à Serge. Je reçois ce soir Luc Gaffier. Bonsoir Luc Gaffier. Bonsoir. Pour son dernier livre qui est « La bobocratie ». Alors la bobocratie, on va en parler, mais je voudrais d'abord saluer ce livre, pas tellement parce qu'il traite son sujet... Finalement, les sujets, est-ce que c'est fait pour être traité, on se le demande. Mais parce qu'il est écrit avec clarté et avec des formules qui sont à la fois simples et justes. Par exemple, celle-ci, je n'en citerai qu'une, parce qu'il ne faut pas trop citer pour que vous lisiez. « Ceux qui prêchent le vivre ensemble s'arrangent toujours pour vivre entre eux ». C'est simple, mais c'est vrai. Alors, on va commencer, on va le lire, on va être, comme d'habitude, les auditeurs sont au courant, ça va être très désordonné, mais on va quand même suivre votre livre. Et d'abord, on va commencer par le mot. D'où vient ce mot bobo? Il faut le rappeler peut-être. Le mot bobo est un mot américain qui a été inventé par un journaliste de New York Times pour décrire les nouvelles classes supérieures américaines il y a déjà un certain temps. Et je me suis aperçu qu'on avait beaucoup parlé du style de vie de ces bobos en France, mais assez peu de leurs idées, de leur mentalité. Il y a une exception, l'an dernier, un livre très intéressant est paru, qui expliquait de façon philosophique les modes de pensée de la philosophie de la bourgeoisie bohème. C'est le livre de Laurent Fides qui s'appelle « Devant le discours intimidant ». Et il explique... Un bon livre d'ailleurs. Un très bon livre. Un peu difficile parce que c'est un philosophe, donc il fait intervenir la philosophie transcendantale, la philosophie constructiviste, pénible, hein. Et donc c'est un peu, j'ai voulu parler un peu de la même chose mais de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus claire en quelque sorte, beaucoup moins savante plus exactement. Mais alors pourquoi en parler maintenant? Parce que quand même les bobos c'est vieux comme le monde, et puis ça vieillit, dans deux ans on n'en parlera plus. Il y a des mots qui sont à la mode et qui disparaissent. J'ai aussi fait un livre sur les sans-papiers. Les sans-papiers n'existent plus. Ils ont été remplacés par les migrants ou par les réfugiés. Oui, et ça, ce n'est pas seulement un changement de mot, c'est un changement de moment historique. On n'a plus besoin une discussion sur les sans-papiers. Alors les bobos, malheureusement, ils sont encore un peu là. Donc. Voilà, le mot peut disparaître, mais la réalité de ces nouvelles classes dirigeantes, ces nouvelles classes supérieures, est toujours là. Et le problème, c'est que, en dehors du monde de l'économie, de la science et des techniques, ils n'ont pas une culture suffisante pour comprendre ce qui se passe. Et c'est la première génération où la transmission ne s'est pas faite. Il leur manque à la fois la culture chrétienne et la culture des humanités gréco-latines. C'est ce que remarquait un Américain célèbre, Pat Buchanan, qui a été conseiller de trois présidents américains, qui lui-même a été... candidat à la présidence des États-Unis et qui dit qu'il y a des forces dans le monde qui sont beaucoup plus puissantes que celles des sciences, des techniques et de l'économie. Alors, on ne va pas aller trop vite, parce que contrairement à ce que dit Jean-Christophe Petit-Fils dans le message qu'on a entendu tout à l'heure, moi, j'aime bien couper systématiquement pour qu'on n'approfondisse jamais. Alors, on va prendre votre bouquin dans l'ordre. Je lis à la page 11, et ça continue à la page 12, qu'un des traits caractéristiques, puisqu'on va parler de l'idéologie du bobo, un des traits caractéristiques, est son adhésion au multiculturalisme. Alors ça, je crois que c'est fondamental. Est-ce que vous pouvez développer cela? Le multiculturalisme, il y a des sens différents. Mais le sens anglais et général dans le monde, c'est une égale valeur de toutes les cultures. Et si toutes les cultures se valent, si elles ne sont ni meilleures ni pires que les nôtres, c'est pas la peine de les étudier. Je veux dire, ça permet de reposer son esprit. Comme il n'y a pas de différence, personne ne s'enrichit et tout le monde est pauvre de son ignorance personnelle. Si toutes les cultures sont d'égale valeur, si elles ne constituent ni une menace dont il faut se garder, ni quelque chose, ni un trésor dont il faut se saisir, et donc c'est une facilité pour l'esprit. Ça induit à la paresse, en fait. Ah, ça, c'est une des conséquences donc de cette adhésion multiculturelle. Multiculturalisme, mais vous notez aussi beaucoup plus loin, parce que j'ai lu tout le livre avec le crayon à la main, que en fait, en France, il n'y a pas de multiculturalisme. Il y a quoi ? Il y a un biculturalisme. Alors quoi ? Deux lectures de la réalité qui sont opposées. Une qui est une lecture, la lecture des Français post-chrétiens ou de l'Europe post-chrétienne qui est immanente, et la lecture des nouvelles populations qui sont vraiment religieuses et qui est une lecture transcendante et qui fait appel à des arrière-mondes à chaque instant. Alors qu'en Europe en général, malheureusement, ce n'est plus le cas. Donc ce sont deux lectures contradictoires de la réalité, l'une basée sur la transcendance et l'autre basée sur l'immanence. Et celle qui est basée sur la transcendance est nécessairement beaucoup plus forte que l'autre. Bien sûr. Ça veut dire quoi ? Ça fait deux fois que je dis ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Sinon je vais encore piller les mille et des cents, oui. Pour revenir à Pat Buchanan, oui. La religion, dit-il, l'ethnie, la culture, la tribu sont les quatre cavaliers d'une apocalypse qui viendra. Autrement dit, il y a des forces dans le monde qui sont beaucoup plus fortes que les forces des sciences, des techniques et de l'économie. D'accord. Et concrètement, ça, je vois bien l'apocalypse. J'aime beaucoup l'apocalypse. C'est une très belle scène. Oui. Mais concrètement, cette opposition entre les deux cultures dont vous parliez, c'est-à-dire, en gros, si j'ai bien compris, l'islam et de l'autre côté, le vide plus ou moins hédoniste, qu'est-ce qui va se passer ? La culture chrétienne autrefois était aussi fondée sur la transcendance et se référait à chaque instant également à des arrière-mondes. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, alors vous ne voulez toujours pas répondre, ne répondez pas. Oui. Alors on va continuer dans l'ordre, pardon. On va continuer dans l'ordre sur... vous parlez, votre deuxième chapitre s'appelle, une très belle allitération, la libye du bobo. La libye du bobo. Alors, vous notez, et je crois que c'est une notation juste, que la bonne conscience du bobo et son efficacité supposent qu'il se batte contre un ennemi fantasmatique, mais très fort et très noir et très méchant. Chaque fois qu'on se regarde dans la glace, on le voit, ce méchant. C'est l'extrême droite. Alors, racontez-nous comment vous voyez cette construction de l'ennemi numéro un. Mais le problème, c'est que l'extrême droite... Ça recouvre, c'est une notion, c'est l'élément de base du discours intimidant qu'a décrit Laurent Fidès, qui parle de l'idéologie mondialiste et immigrationniste. La grande force, c'est cette notion d'extrême droite, qui recouvre absolument tout et n'importe quoi. Deux exemples, les cagoulards qui commettaient des attentats contre le patronat étaient autant d'extrême droite que les communistes et les socialistes qui étaient leur opposés. Il y a énormément de... Qu'est-ce qu'on regroupe dans l'extrême droite aujourd'hui ? Les chrétiens intégristes sont d'extrême droite, mais les antichrétiens amateurs de roussolaires et de swastikas sont également d'extrême droite. L'extrême droite est à la fois nationaliste et internationaliste, chrétienne et antichrétienne... Ça recouvre toutes les possibilités. Donc, vous voulez dire que c'est un épouvantail qui est bien pratique. Mais est-ce que vous n'exagérez pas, et je suis assez d'accord avec vous, est-ce que vous n'exagérez pas à un moment donné en disant, je vous lis, je cite la phrase, une extrême droite dont il ne restait que de rarissimes groupuscules microscopiques menant une existence groupusculaire et de toute évidence en fin de vie. Est-ce que c'est vrai, ça ? Ça dépend de la définition de... C'est un mot qui est très difficile à définir, puisque, vous voyez, les gens qui nous expliquaient la veille encore que l'obsession du complot judéo-maçonnique était la caractéristique de l'extrême droite, se sont mis à traiter Anders Behring Breivik, qui était à la fois franc-maçon et alors il faut citer, il faut dire qui était Anders Breivik, c'est l'homme qui a tué, le Norvégien qui a assassiné les membres du parti, les jeunesses du parti socialiste norvégien. Est donc franc-maçon et pro-sioniste, c'est ça? Oui, et il est autant d'extrême droite que ceux qui sont anti-maçons et anti-sionistes. Les mêmes qui ont baptisé Jacques Chirac facho-Chirac, et il y a un livre célèbre de Garnier Raymond qui explique pourquoi Jacques Chirac est un vrai fasciste, et ce sont les mêmes qui ont appelé à la rescousse Chirac pour lutter contre l'extrême droite. Autrement dit, l'extrême droite était des deux côtés. Pour les éditorialistes des années 70, Chirac était d'extrême droite, mais Le Pen était d'extrême droite, donc c'est un mot qui ne devrait plus être utilisé, je pense, pour moi. Ah, c'est d'ailleurs un reproche que je vous fais. Alors directement, là, il faut s'en être dur, eh bien, vous utilisez le mot racisme. Le mot racisme ne devrait pas être plus utilisé, non plus. C'est kiff-kiff. C'est vrai. Bon, si vous faites un bon alors, vous avez bon alors. Alors, il faut. Vous dites également quelques mots qui sont bien sentis sur l'antifascisme, parce qu'il faut que tout de même rappeler une chose, aux auditeurs qui le savent, mais il y en a toujours des nouveaux qui ne le savent pas, c'est que l'antifascisme a précédé le fascisme. Historiquement. Oui, bien sûr. C'est ça qui est fantastique. Oui. Enfin, sinon le fascisme, du moins l'existence réelle du fascisme. C'était un mot d'ordre communiste avant d'être une réalité sur le terrain. Mais je parle du nazisme à un moment. Ah ben ça, on va en parler. On ne parle nulle part ailleurs. On va en parler. Mais je m'abrite derrière de hautes autorités, hein, Jacques Ellul, des gens comme ça. Vous faites bien, parce que alors eux, ils sont imprenables. Hein. Ellul, si quelqu'un te trouve à l'extrême droite, il faudrait vraiment qu'il se leve de bonne heure. Alors, j'aimerais que vous nous disiez. Oui, c'est assez. Vous nous parlez à un moment donné. De M. René Raymond, qui est un historien bien connu, académique, cité toujours pour son vieux livre là, sur les droites en France. La distinction des trois droites, c'est le classique des classiques. Le classique des classiques. En plus, il est démocrate chrétien. Il a été dans tous les bons coups de l'académisme. Alors, pourtant, vous nous révélez quelque chose que j'avais complètement zappé. Alors, racontez-le. Le soviet, en mai 68, lorsque c'était le... La révolution se dessinait à l'horizon. Il y a un soviet qui s'appelait le Comité des Huit à l'université de Nanterre, qui était composé de professeurs marxistes, trotskistes, etc., maoïstes, était dirigé par René Raymond. Et je dis, c'est la preuve que cette université était un grand modéré qui pouvait prendre une certaine distance par rapport à son sujet parce que c'était un spécialiste de l'étude de la droite. Voilà, exactement. Alors toujours, parce qu'il faut essayer de comprendre, là on est en train de tourner un petit peu autour de la pédagogie du bobo, parce que le bobo n'est pas né, on n'est pas bobo, on est élevé bobo, donc il y a l'antifascisme, il y a l'épouvantail de l'extrême droite, il y a les historiens tout à fait, tout à fait propres sur eux, comme René Raymond, et puis vous citez un historien qui s'appelle Marc Lazare, et vous parlez de la résilience de la culture communiste en France. C'est lui qui a donné cette expression. Alors donnez-moi son livre. Le communisme... Chaque fois qu'on veut avoir c'est toujours comme ça. Le communisme, une spécialité française, le mot m'échappe, mais il a montré que... La France, c'est la résilience communiste en France a été plus forte que dans tous les autres pays. Et il explique pourquoi ou pas, ou on ne l'explique pas? Non, pas vraiment. C'est quelqu'un de tout à fait remarquable, qui est professeur à Sciences Po, tout à fait honnête, propre sur lui également. Le mot m'échappe en ce moment. Hein. Mais oui, Marc Lazare, je cite, il a expliqué que c'était le seul pays occidental où le communisme avait exercé une influence aussi profonde. Et c'est évident si l'on regarde des choses comme l'enseignement secondaire français actuellement encore, la majorité des professeurs adhèrent à la FSU, qui est un syndicat dirigé par le Parti communiste. D'accord. Continuons dans l'exploration des racines mentales du bobo. vous nous parlez, à la page 32, d'une chose dont il ne faut pas parler, c'est-à-dire la nature de gauche du national-socialisme. Alors là, allez-y, développez, parce que, et ne soyez pas trop court dans vos réponses, parce que sinon on va mettre la clé à 5h, à 6h. Hein. Allez-y, parce qu'on peut développer. Il y a un très gros livre, une somme, qui a été publié au début des années 70 par un historien autrichien qui s'appelait Kunal Tedin. Kunal Tedin était un ami de Thomas Molnar. Tous deux écrivaient dans la National Review, qui était la revue pour laquelle le président Reagan faisait la publicité avant de devenir président. Et le président Reagan, qui était autodidacte en quelque sorte, culturellement au moins, s'est instruit en lisant la National Review. Et donc des gens comme Kunal Tedin ou Thomas Molnar, le philosophe hongrois Thomas Molnar, qui était bien connu en France. Qui a écrit dans de grands journaux français. En français, oui. Dont Rivarol, il faut le dire. Ont influencé aussi bien Thomas Molnar que Kunal Tedin. Et Kunal Tedin a écrit un énorme pavé qui s'appelle « La gauche revisitée ». De Sade et Marx à Hitler et Pol Pot. D'accord. Donc de Sade et Marx à Hitler et Pol Pot. Et ça a été réédité dans les années 90. D'accord. Et il cite Jacques Ellul qui dit le nazisme vient du... Je vous le cite, puisque j'ai la citation dans les yeux. Le nazisme, loin d'être le contraire du marxisme, complète et le renforce. Les méthodes d'Hitler viennent directement des préceptes de Lénine. Alors, on peut être pour ou on peut être contre, mais on ne peut pas l'ignorer. Ce gros livre de Kunal Tedin, donc, sa première édition au début des années 70, ça a été réédité en 90, et à ma connaissance, ça n'a jamais été traduit en français. Il y a comme ça des erreurs d'édition. Mais vous êtes vous-même publié en Suisse, mais en français. Kunal Tedin était très proche de Thomas Molnar, c'est-à-dire qu'il avait une tendance à idéaliser un petit peu l'Empire d'Autriche, dont il était un des derniers chevaliers. Ah. Et il avait une tendance monarchique et catholique de tradition. C'était également le cas de Thomas Molnar, qui avait été très influencé par Bernanos, sur laquelle il avait fait ses premiers travaux. D'accord. Alors, pour continuer sur, sur la nature du nazisme, parce que c'est très intéressant, puisque, en fait, l'épouvantail extrême droite ne marche que par un truc très simple, extrême droite égale nazisme, nazisme égale chambre à gaz. S'il n'y avait pas ça, ça ne marcherait pas. On dirait simplement, oui, Hitler, c'était un chef d'État qui a eu du bon et du mauvais. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'évaluer la véritable nature du nazisme. Et vous citez aussi Joseph Goebbels, qui était ministre de la propagande, notre lutte contre le bolchevisme n'est pas une lutte contre, mais une lutte pour le socialisme. C'est dans l'avenir de l'Allemagne, 1936. Qui a été publié en français. C'est un recueil, c'est uniquement une édition française. Une édition française de Goebbels. Il y a un texte de Ribbentrop. Il y a plusieurs auteurs dans le même texte. Oui. Non, mais je ne l'ai pas, moi, dans mon texte, pour ça. Les bolcheviques et le socialisme bolchevique et le socialisme national avaient le même électorat populaire et leur vue du monde est assez proche. Ils avaient la même... les nazis se sentaient investis de la même légitimité prolétarienne pour détruire l'ordre bourgeois. Et là, c'est ce qui est très important actuellement. Ce sont les travaux de l'historien allemand Götzeli qui a montré... Je me souviens d'un article dans le courrier de l'UNESCO de Götzeli qui dit dans le domaine social, les nazis ont suivi un modèle social-démocrate. Et le même Götzeli a dit que c'était une dictature au service du peuple. Il n'a pas dit dictature du prolétariat. Götzeli écrit... Au service du peuple. C'est la dictature du peuple, mais la dictature pour le peuple, voilà. C'est ça ? Voilà. D'accord. Et Götzeli est un historien social-démocrate très, très en vue, qui a publié assez récemment, dans les années 90. En 2005, il y a un livre qui est sorti en français aussi, sur comment Hitler a acheté les Allemands. C'est le livre de Götzeli qui est sorti en 2005. Et il montre bien que, contrairement à ce qu'on a pu raconter, le nazisme n'a pas été... Oui, mais moi, quand j'étais petit, excusez-moi, on m'apprenait que le fascisme est né et le nazisme étaient les chiens de garde du grand capital. Mais malheureusement, Götzeli prouve, en analysant les archives économiques de l'Allemagne, que les nazis ont doublé le taux de l'impôt sur les sociétés. À partir comme François Hollande. Qu'ils ont, oui. Et qu'ils ont supprimé, en fait, le fonctionnement de la bourse de valeurs. Elle existait, la bourse. Oui, mais elle n'avait pas... Goetzeli écrit, en 2005, dans son texte « Comment Hitler a acheté les Allemands », il dit la bourse a continué à fonctionner, mais elle n'avait plus de sens, vraiment. Elle n'était plus efficace. J'ai la citation exacte. La bourse resta ouverte, mais voilà. Elle avait perdu sa fonction. Elle avait perdu sa fonction, dit Goetzeli. Un peu donc, comme... Il devait y avoir que des emprunts d'État ou des choses comme ça, on ne pouvait plus acheter de valeurs mobilières. Ça devait être un peu comme notre Parlement, enfin, un peu comme la Chambre des députés avec le 49-3, quoi. C'est un peu la même chose. Oui, vous dites quand même, je me trompe peut-être, mais les gros industriels allemands, je pense à Krupp et à d'autres, ils sont quand même restés en place, eux aussi. Oui, j'explique, ils sont restés en place parce qu'ils savaient très bien qu'ils risquaient leur... Ils n'étaient plus que des directeurs d'une économie administrée. Goetzeli explique, ils risquaient leur vie même s'ils désobéissaient à leur nouveau maître. C'est pour des raisons pragmatiques, et on a laissé en place ces dirigeants-là, mais ils n'avaient pas le choix. Hein. D'accord. Alors, vous dites également que, bon, tout le monde sait, c'est aussi quand même une réalité historique bien établie, qu'il y a un antisémitisme de gauche qui s'appelle l'anticapitalisme, qui se manifeste pendant tout le 19e oui. siècle, et en particulier à sa fin. Et la thèse de Goetzeli que vous-même défendez dans votre livre, c'est que finalement, l'antisémitisme nazi serait une conséquence de l'anticapitalisme nazi. Nous avons en France Toussenel, Auguste Chirac, nous avons des socialistes du 19e siècle, oui, énormément de textes antisémites. Allemagne, c'était la même chose. En Allemagne, c'était la même chose. Et je cite deux partis qui ont précédé le parti nazi, qui étaient des partis à la fois ouvriers, des partis prolétariens qui étaient très antisémites. Je n'ai plus en tête les... L'antisémitische Volkspartei d'Otto Bockel et le Soziale Reichspartei de Heinrich, qui est plus connu. C'est vrai ça, ça a une consistance. Alors donc ça serait la racine de l'antisémitisme italien. Il n'y a pas que Konrad Kledin qui dit que le nazisme est de gauche, en gros, pour simplifier. Oui. Et il y a aussi... Oui, Goetzeli, évidemment. Goetzeli, pas tout à fait ça, mais... Et puis il y a également Goebbels, qu'il disait, parce que je lis dans Der Nazi Tzotzi, 1932, le nazisme est antisémite parce qu'il est socialiste. C'est ça ? Oui. Non, mais c'est une thèse qui est intéressante à défendre. Friedrich von Hayek. Un grand prix Nobel d'économie. Oui. Il a écrit un livre qui s'appelle Les chemins de la servitude, qui a été traduit en français très tardivement. Je ne sais pas si c'est pas Raymond Barre qui a traduit Les chemins de la servitude. Ah non, bon. Et dans Les chemins de la servitude de cet immense économiste qui était Friedrich Hayek, un chapitre s'appelle Les racines socialistes du nazisme. Ah oui, donc dès les années 40, Friedrich Hayek pensait que le socialisme avait engendré le nazisme. Alors, tout ça, c'était une... On va faire comme ça beaucoup de méandres, mais c'est volontaire. C'est parce que, quand même, comme le grand épouvantail, c'est l'extrême droite, il était intéressant de voir si le nazisme était de droite. Et vous, quelle est votre définition de la droite et de la gauche, alors, quand même? Ça, c'est la question qui tue, ça. Oui, c'est la bien question sûr. Qui tue. Elle est là pour ça. C'est pas une réponse. Ça, c'est une réponse qui ne tue pas. Et il faut deux volumes pour sortir ça. Non, mais si on veut faire court. D'abord, est-ce que ça a encore un sens? Je ne sais pas. Au moins, s'il y en avait un au début. S'il y en a eu un au début. C'est un sens historique. Alors, je remonterai à Goethe. Dans un ouvrage qui s'appelle Maximen und Reflexion, je ne parle pas allemand, mais Réflexion et Maxime. Ça s'entend. Et il y a une de ces réflexions de Goethe, qui est d'ailleurs citée par Konrad Kledin, qui dit « Les révolutionnaires qui veulent à la fois la liberté et l'égalité sont soit des psychopathes, soit des bouffons. C'est la phrase de Goethe. Les révolutionnaires qui veulent à la fois l'égalité et la liberté sont soit des psychopathes, soit des bouffons. La droite, c'est quand on met un peu plus le curseur du côté de la liberté. Et la gauche, c'est quand on met le curseur un peu plus du côté de l'égalité. Je pense que c'est... C'est ça que vous... Il y a une définition qui est plus historique. C'est que ceux qui se sont placés à droite du président de l'Assemblée nationale, ce sont les monarchistes. Et à gauche, c'est les partisans de la Révolution. Voilà. Et c'est pour ça que la notion de droite révolutionnaire ne rime à rien. Car la droite est, depuis l'origine, contre-révolutionnaire. Donc je parle de Zev Sternel, l'historien qui a développé, j'en parle un moment, oui. Et c'est une notion, c'est une coque cigrue, c'est un cercle carré. Dès le départ, la droite, c'est à l'origine ce qui s'opposait à la Révolution française, oui. À la Révolution libérale, mais ensuite la Révolution a changé de nature, c'est la Révolution sociale, mais la droite est toujours ce qui s'oppose à la Révolution. Ça, c'est une définition aujourd'hui, la Révolution est sociétale. Voilà. Et la droite est toujours ce qui s'oppose. Voilà, exactement. D'accord. Donc, comme aujourd'hui, une bonne partie de la droite suit la révolution sociétale. Monsieur Alain Juppé et compagnie en France. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de vraie droite, sauf dans une partie de l'extrême droite. De ce qu'on pourrait, oui. De ce qu'on nomme l'extrême droite. De ce qu'on appelle, pour le discours intimidant, extrême droite, mais... Qu'un terme qui ne devrait plus exister, en fait. Donc, encore une fois, tous ces termes ne devraient plus exister. Non. Donc, il est très difficile de parler politique. Très difficile, oui. Non, mais... parler de droite révolutionnaire, c'est vraiment une contradiction dans les termes. C'est un oxymore, comme ils disent maintenant. Alors, il est 18h27, je vous rappelle... que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée, dirigé par moi-même, Martin Pelletier. Je reçois ce soir Luc Gaffier pour son livre « La bobocratie ». Et je vais peut-être faire une annonce, parce que c'est pour la bonne cause. Alors, on me prie SOS Chrétien d'Orient. Organise un pèlerinage en Syrie aux sources de la chrétienté, enfin une des sources de la chrétienté, à bientôt sur les chemins de Damas, nous disent-ils, de 7 jours et 6 nuits, du 10 au 16 septembre 2016, et un bis du 2 au 8 octobre 2016. Alors, je ne vous donne pas les extraits du programme, mais on part de Paris pour arriver à Beyrouth, et puis ensuite donc des excursions à la fois dans la Syrie martyrisée, dans des hauts lieux, si vous voulez. Alors, pour tout renseignement et réservation, s'adresser à l'agence de voyage Odeia, O-D-E-I-A, au 01 44 09 48 68, 01 44 09 48 68, ou sur contact@odeia.fr. Voilà. On va revenir à nos moutons. Et nos moutons, c'est-à-dire à nos bobos. Donc, ce que vous essayez ce dont vous essayez de faire la pédagogie, c'est de montrer l'espèce de tarama mental qu'il y a dans la caboche des bobos, en quelque sorte. De la confusion de toutes les notions. Mais, oui. C'est parce que c'est une des premières générations où la culture ne s'est pas, la culture européenne, notre culture ne s'est pas transmise. Et les systèmes scolaires, aussi bien anglais dans les années 60 avec les comprehensive schools, que le système scolaire français, que le système scolaire américain, ont connu une débâcle dans les années 60 et 70 qui a fait qu'il y a une transmission qui n'a pas eu lieu. Donc ce sont des gens qui sont très techniciens, qui sont excellents dans le domaine de l'économie, des techniques et de la science, mais qui n'ont pas l'arrière-plan qui leur permettrait de comprendre l'histoire, en quelque sorte. C'est ce que je suis influencé sur ce point par ce Celte qui s'appelle Pat Buchanan, l'ancien candidat à la présidence des États-Unis, qui est très inquiet du devenir de notre civilisation. Alors, je vais vous lire quelques questions des auditeurs ou quelques remarques. Alors, c'est un homme, c'est un auditeur qui nous prie de noter que le nazisme n'était pas socialiste, il était social. Et il nous conseille de lire les mémoires de Hjalmar Schacht, mémoire d'un magicien réédité aux éditions Contre-Culture avec deux K. Et il ajoute « Votre désir de sauver la droite est pathétique ». Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ben, c'est difficile à répondre. Je connais cet argument. Moi, on peut pas à la fois. Vous savez, la droite qui allait porter. Je suis pas tout à fait en accord avec la droite qui. Drummond qui défendait les communards. Il y a eu un mythe de la commune qui est aussi mis à droite qu'à gauche, alors que la commune, ça a été surtout une période de non-droit. On se retient des magnifiques proclamations de Rossel, des textes écrits, mais dans la ville, c'était quand même pillage, viol, etc. Et c'est quelque chose qui est tout à fait passé sous silence aujourd'hui. On ne retient que les magnifiques délibérations. Je ne suis pas un admirateur des communards. Je pense que la propriété privée, comme Claude Paulin, pense que c'est la première. La droite défend la propriété privée. Et c'est la première condition de la liberté. Voilà ma réponse. Oui, mais alors là, vous ne répondez pas à la question. Hein. Il nous disait que le nazisme n'était pas socialiste, il était social. Ben, social, oui. Non, mais c'est lui-même se disait socialiste. Le mot était. Si eux-mêmes emploient le mot, c'est difficile de ne pas l'employer. Voilà. D'accord. Alors, dans l'entre-deux-guerres, le socialisme voulait dire faire une politique sociale. Pas forcément, c'est un autre, mais c'est la même idée. Oui. Pas forcément marxiste. En 1938, l'Allemagne, c'était la deuxième puissance économique du monde. Hitler a fait une politique sociale qui a réussi. Ah oui, ça c'est ce que dit Goetzeli, sur ce plan-là, oui. Et Goetzeli n'est pas du tout, n'a pas de sympathie pour Hitler. Et c'est un social-démocrate allemand d'aujourd'hui, mais bon. Alors, on me demande ça, c'est un homme qui s'adresse à moi et qui dit qu'il laisse parler son invité. Bon, je vous coupe trop la parole. Non, absolument pas. vous me rassurez. Voilà. Nolke a dit cela en premier, que le nazisme est issu du communiste. Non. Nolke a dit ça en premier, je ne sais pas, ce sont des... D'abord, c'est trop simple, le nazisme n'est pas issu du communisme, non, pas du tout. Pas comme ça. Ça ne veut rien dire. Alors, M. Pelletier, vous parlez du fascisme de l'extrême droite, et des journalistes ont adjuré M. Le Pen, il a répondu que c'était... inventé par la gauche, qu'en pensez-vous? Il y a des forces plus importantes dans le monde que pensez-vous de la philosophie japonaise, jiu-jitsu. Il faut servir de la force de l'adversaire pour le vaincre, disent les judokas. Alors, le jiu-jitsu et le judo, ce sont deux choses un peu différentes, mais l'un et ils ne sont pas sans lien. Ben, je crois que sur les liens entre l'extrême droite, le fascisme, ou le fait que le fascisme précisément n'était pas d'extrême droite, c'est bien ce que Luc Gaffier développe depuis un quart d'heure. Je ne vois pas quoi ajouter. Oui. Je reprends surtout des thèses qui ne sont pas connues en France. Le gros ouvrage de Kuhnelt Ledin, donc l'ami de Thomas Molnar, l'historien autrichien, n'a pas été traduit. Et rien que le titre de Kuhnelt Ledin, La gauche revisitée, de Saad et Marx à Hitler et Pol Pot, on voit bien qu'il met Hitler dans la gauche. Voilà. Et puis alors sur le fascisme proprement dit, parce que le fascisme et le nazisme sont deux choses très différentes, il y a le fascisme injure ou étiquette infamante, et puis il y a le fascisme réalité historique. Alors il faut simplement citer la phrase de Renzo Zeffelice, qui est le grand historien italien d'origine marxiste et communiste, qui a fait la seule grande biographie de Mussolini, et qui dit on ne peut pas définir le fascisme si on n'en fait pas l'histoire, parce que le fascisme n'est pas un bloc. Il y a dans le fascisme des tendances dites de droite et des tendances dites de gauche. Point à la ligne. Ce que nous faisons ici, c'est pas de dire que, sinon je me fais engueuler par certains de mes amis, que Hitler était un socialiste pur jus, c'est pas ça. C'est de dire que, simplement, le vocabulaire utilisé par les bobos est un vocabulaire fantasmatique qui, ouais, qui se soucie comme d'une guigne de la réalité historique des concepts et des réalités qu'il manie. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir passer à autre chose, parce que sinon, on va se faire engueuler toute la soirée. C'est un sujet qui fâche, mais c'est le seul intéressant d'un autre côté, parce que sinon, qu'est-ce qu'on s'embête ? Alors, oui, c'est sur la Révolution. Le terme de droite révolutionnaire ou de gauche, je crois que l'important, c'est la Révolution, c'est pas la droite, la gauche. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes d'accord avec Jules Monroe qui disait que on n'aura pas changé d'air tant que le mot révolution sera tenu en bonne part par ceux qui tiennent le manche. Le problème, c'est qu'il a été tellement galvaudé pour des motifs publicitaires et commerciaux que son sens est quand même très émoussé. Oui, mais quel que soit, bien ça, c'est certain, mais n'empêche qu'il est toujours tenu en bonne part. Quand on dit qu'il y a une révolution dans les Kinder Bueno, ça veut dire que ça, c'est de mieux en mieux, le Kinder Bueno. Je ne sais pas que je fasse de la publicité, c'est pas mal, le Kinder Bueno, quand même. Quand le patron de la firme Apple apporte un nouveau produit, il dit toujours « ceci est une révolution ». Ben justement, on est en plein dedans. Dans les guignols de l'info, oui. Exactement, on est en plein dedans. Alors, plus sérieusement, quand vous disiez tout à l'heure qu'il y a un manque de recul et de pensée historique chez le bobo et chez les classes dirigeantes d'aujourd'hui, il y a un point qui est probablement le point aveugle total de ces braves gens, et vous y venez à la page 41, c'est l'incapacité des bobos à penser la religion. Absolument, absolument. Alors, c'est parce que ces nouvelles élites ont été déchristianisées, elles pensaient que la religion n'était plus un problème depuis longtemps, et elles n'ont pas compris la renaissance de l'islam qui a eu lieu à la fin du XXe siècle, en particulier un islam qui a été arrosé par des pétrodollars, une pluie de pétrodollars utilisée à des fins de prosélytisme. Et il leur est très difficile de comprendre que l'islam n'est pas une religion que l'on peut pratiquer uniquement dans le privé, c'est un désir d'un système de droit public. Ça n'a rien à voir avec ce que le mot religion peut signifier pour eux. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, systématiquement, c'est depuis à peu près les années 60 qu'on le voit, le religieux est exclu systématiquement de l'analyse des conflits, par exemple. Oui, à peu près. Oui, mais dans le tiers-monde, non, quand même. Oui, non, mais de l'analyse. Oui, de l'analyse, oui. Occidentale. Oui, oui, oui. Parce que, de toute façon, avec le progrès, les religions, l'obscurantisme reculé, et donc les religions n'étaient plus un problème et allaient disparaître d'elles-mêmes. Ils n'ont pas compris qu'il y avait une religion qui, au contraire, avait repris de la force. Eh bien pourtant, je ne sais pas, mais si on lit Jérôme et Jean Tarot, si on lit le jeune Winston Churchill ou des gens comme ça, on voit bien que les religions sont sont le plus puissant levier. Oui. Et si on regarde même l'histoire d'une réussite politique, c'est une réussite politique, le sionisme au XXe siècle. Tant que Herzl en fait une idéologie purement laïque, il a deux ou trois pelés, trois, quatre tondus qui s'intéressent à ça. Et dès qu'il dit l'an prochain à Jérusalem, et Chaim Weizmann va le systématiser, tout de suite, ça fait une flambée de volontaires. C'est donc qu'il y a quelque chose. Enfin, tous les gens, tous ceux qui font une politique, se rendent bien compte de l'influence ou du poids déterminant de la religion. Comment se fait-il que les analystes... Parce qu'ils avaient l'impression d'être rentrés dans une nouvelle ère où la religion n'était importante que pour des populations arriéré ou exotique. Il croyait vraiment aux sottises de Comte et Durkheim. Arriéré ou exotique, et que le progrès immense et rapide des progrès technologiques allait faire disparaître la religion. C'est ça alors. C'est aussi bête que ça. Alors, quand même, il y a une chose qui me... Je me demande si vous n'êtes pas un peu extrémiste, vous, quand même. Parce que vous nous racontez que les grands moments de la fin du XXe siècle ne sont absolument pas la chute du mur de Berlin, oui, ni l'effondrement du système soviétique. Alors moi, je suis quand même, j'ai vécu les années 50 et 60 et 70. On vivait tous sous la peur de du communisme. Oui, absolument, non, absolument. Et donc, ça a été quelque chose d'immense. Oui, bien sûr, mais je me suis un peu mal exprimé. Ah. Mais ce n'est pas les choses qui allaient avoir les conséquences les plus importantes. Ce qui allait avoir les conséquences les plus importantes, c'était la dénatalité incroyablement rapide des peuples européens, et la dénatalité et aussi la montée en puissance de nouvelles formes de la religion musulmane. Oui, mais alors, est-ce qu'il faut prendre ça comme des données ou comme des conséquences ? Par exemple, la dénatalité de l'Occident et en particulier de l'Europe. Alors, oui, prenons la dénatalité de l'Europe. Eh bien, est-ce qu'elle est naturelle, cette dénatalité ? Et justement, est-ce que ça n'a pas un lien avec les bobos ? Enfin, oui, les bobos qui n'étaient pas encore, qui n'étaient pas connus à l'époque, mais oui, un certain hédonisme, évidemment, les facilités accordées par l'État-providence, et bien entendu, les nouveaux acquis de la révolution sexuelle, l'avortement, contraception, etc. Mais c'est un effondrement absolument massif. Il y a deux Français qui sont Pierre Chenu et Jacques Dupaquier. Qui ont vu cette catastrophe. Ils l'ont vu, ils n'ont pas été les seuls à le voir, ouais, mais cette catastrophe... Ma question, est-ce que vous n'avez pas tendance à dire de temps en temps c'est comme ça ? Oui. Ou est-ce qu'on ne pourrait pas dire est-ce que c'est causé par certaines choses ? C'est vrai, mais la prise de Rome n'a pas causé la chute de l'Empire romain. Et la chute du mur de Berlin n'a pas causé l'effondrement de l'Empire soviétique. Voilà ce que... Ah, c'est ça que vous vouliez dire. Oui. Nous sommes alors parfaitement d'accord, mais je reviens sur cette chute de l'intégralité qui est probablement le fait le plus important. Il faut se souvenir qu'en 1974, c'est pas si longtemps, ça fait un peu vieux con de dire ça, mais je suis un vieux con, hein. Mais en 74, au moment où nous crions jusqu'à la barre, en collant des affiches, eh bien, l'indice de fécondité de la femme française était encore de 2,150. C'est-à-dire au-dessus du seuil de remplacement des générations. Et on sait, par l'exemple suédois, on sait qu'une politique nataliste marche. Donc, pourquoi cette chute partout de la natalité européenne ? Parce que les nouvelles façons de vivre, les nouveaux rapports entre hommes et femmes, et puis évidemment la contraception, les facilités pour les avortements, etc., ont fait que... Mais ce n'est pas un problème français. On ne peut pas accuser particulièrement un négligent français. Non, des politiques qui sont, encore une fois, les mêmes partout. Oui, bien sûr. Ah oui, sous l'influence américaine. En quelque sorte, oui, parce que les Américains aussi. Donc c'est là que c'est à ce niveau-là que s'est situé le suicide français dont parle mon ami Zemmour, parce que c'est ça. Après. Mais oui, mais c'est aussi le suicide allemand et c'est aussi le suicide italien. Alors justement, vous dites à un moment, vous avez une remarque qui me paraît tout à fait juste. Personne ne s'est demandé pourquoi. Angela Merkel, qui est stérile, dirige l'Allemagne, qui est stérile, qui dirige une Europe, qui est stérile. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette préférence pour la stérilité ? Moi, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin, qu'on se fasse un peu mal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est vrai, c'est fondamental. Nous sommes dans l'ère de la stérilité européenne. On le voit d'ailleurs en musique, en art, en n'importe quoi, en littérature. L'État-providence a rendu à la fois coûteux et superflu le fait d'avoir des enfants. Oui. Et les enfants sont une entrave pour les personnalités qui veulent la fête. L'homo festivus, dont parlait Philippe Muret, aussi bien que pour la femme qui fait carrière, les enfants sont une réelle entrave aujourd'hui. Et on peut très bien... il n'est plus mal vu de ne pas en avoir, en quelque sorte. Oui, donc, c'est en gros, c'est l'ouverture d'esprit qui a été une catastrophe. Parce qu'il fallait des préjugés bourgeois et même pré-bourgeois et désagréables pour dire aux filles d'avoir des enfants. Oui. Et maintenant qu'elles n'ont plus peur du candidaton, elles n'en ont plus. Si, oui. Eh bien, c'est malin. C'est même... les career women américaines sont très fières de ne pas avoir d'enfants, au contraire. Elles sont comme des balais. Alors, je vous lis quelques petites questions d'auditeurs. C'est encore un homme, il n'y a pas de femme qui pose de questions, pratiquement. Carlos, actuellement en prison, ce n'est pas le secrétaire de Sylvie Vartan, c'est l'autre Carlos. Dans son ouvrage « Islam révolutionnaire », assez courageux, déclare, ouvrez les guillemets, « l'Allemagne nationale socialiste refuse la suprématie du dieu dollar » et arrime la stabilité de sa monnaie, car la reconstruction de son économie, sur le fondement de la valeur travail et ses seules forces productives. Ouvrage à conseiller à tout le monde. Ça, c'est donc pas une question, mais une remarque qui est assez vraie, d'ailleurs. Non, c'est vrai. Il y a dans la politique économique du Troisième Reich des choses qui sont excellentes, comme le dit Gozzali. Bon, oui, mais... Bon, il n'est pas pour autant partisan du nazisme. Voilà, mais bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a quand même le droit de dire des choses comme ça. Sinon, on rentre dans la bêtise à front de bœuf, quand même. Alors, c'est une dame. Pourriez-vous nous donner le nom de votre invité ? Merci pour votre réponse, Monsieur Pelletier. Pour une fois que je peux répondre, alors je réponds. Mon invité s'appelle Luc Gaffier et il a écrit un livre qui est intéressant, qui s'appelle « La bobocratie, une classe à part » aux éditions Xenia, qu'il faut signaler. C'est une petite maison suisse. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement courageux de faire, de publier des livres de ce genre aujourd'hui. Donc, les éditions Xenia, et c'est Luc Gaffier, je répète. Depuis la Révolution, n'importe qui peut prendre le pouvoir, c'est catastrophique. Eh bien, ça me rappelle un peu ma tante Anna, cette façon de parler, parce que ça a l'air naïf, mais c'est assez vrai. Quand il n'y a plus de principe de dévolution du pouvoir reconnu par tout le monde, par exemple, comme ça se faisait dans la monarchie capétienne, eh bien, c'est le désordre. Je veux dire, si je dis le bordel, je vais encore devoir payer. Alors, qu'est-ce que la droite aujourd'hui, en dehors de ceux qui se disent de droite ? Alors, si vous avez le courage pour répondre à cette question, moi je veux bien, mais parce que ça dépasse mes capacités. C'est toujours lié de Goethe, avec les gens qui veulent à la fois l'égalité et la liberté. Soit on sacrifie la liberté, soit on sacrifie en grande partie l'égalité. Il faut savoir où on met le curseur entre les deux. La gauche, c'est l'égalité, et la droite, c'est la liberté. Alors, et Goethe pensait qu'on ne pouvait pas vraiment mélanger les deux, mais on peut certainement faire la part, mettre le curseur d'un côté ou de l'autre. Et mettre un peu de beurre avec les épinards et un peu de choucroute. Voilà, c'est ce que nous... D'accord. Alors, quand vous dites que vous avez passé deux faits très importants en revue, c'est-à-dire l'effondrement de la natalité européenne et la montée de l'islam et la montée de toutes sortes d'islam que beaucoup ne voyaient pas venir parce qu'ils ne faisaient pas attention. Parce que on avait quand même vu les oulémas au congrès de la Soumam en 54 ou 56, je ne sais pas, même en Foulcan. C'était déjà, on les voyait pointer les oreilles, hein, mais bon, c'est vrai. Alors ce deuxième point, votre thèse, c'est que à la fois les mondialistes et à la fois les bobos qui nous gouvernent n'ont pas vu du tout cela. Il y a eu l'afflux de pétrodollars qui a été utilisé. Un pays a joué un rôle très important dans le monde entier, c'est l'Arabie Saoudite, qui exporte davantage de religion que le pétrole. Comme nous avons besoin de ce pays-là, nous l'avons laissé faire en quelque sorte. Nous avons besoin, alors pourquoi nous avons besoin ? Pour l'énergie. Si on veut que avoir des voitures qui roulent. D'accord. Enfin, l'énergie, c'est-à-dire, sauf si on fait du nucléaire. Si on fait assez d'électricité pour faire rouler toutes les voitures à l'électricité, il faudra beaucoup de centrales nucléaires. Hein. Oh, pas tellement. Oh, ça va très vite, une centrale nucléaire. Oui, mais... ce sont des masses énormes. Oui. Mais en ce moment, il y a vive le nucléaire. Vive le nucléaire. Mais en ce moment, il y a quand même quelques difficultés. En ce moment, c'est une période difficile pour cette industrie. Alors, Orlando, pour vous, c'est quoi? Vous avez entendu parler d'Orlando, oui. Même dans votre Toulouse reculée. Oui. Orlando, vous me diriez Trump, c'est une meilleure question. Mais Orlando, on ne peut pas dire grand-chose. Je ne suis pas libre de poser mes questions. Je vous réponds tout de suite. J'étais aux États-Unis dans les années 70, oui. J'ai vu les premières Gay Pride. Oui. Et c'est quelque chose qui m'a étonné. Voir ces quinquagénaires en barésie, je me demandais ce que ça pouvait apporter à la cause des homosexuels. Il y a une idée qui m'est venue un jour en voyant la boîte de soupe Campbell photographiée par Andy Warhol. Vous savez, Andy Warhol, l'artiste new-yorkais qui a fait... Andy Warhol pour les gens Warhol, comme moi. Excusez-moi, Andy Warhol qui a fait une magnifique reproduction de la boîte de... Et je me suis dit, quel est le rapport entre cette boîte et l'homosexuel d'Andy Warhol? Eh bien, c'est que l'intérieur de ces boîtes est tapissé de... perturbateurs endocriniens. Et dans les années 70, il y a plusieurs études qui ont paru aux États-Unis, des études très sérieuses, qui expliquaient que l'homosexualité a toujours existé, parce qu'il y a toujours des petits problèmes. C'est le fœtus qui n'a pas arrosé par les bonnes hormones au bon moment. Voilà, en gros, c'est ça. Mais c'était ça la thèse. Et alors, aux États-Unis, j'ai été surpris à San Francisco, à New York, par l'importance de la communauté homosexuelle. Et je me suis dit, c'est pas qu'ils sont sortis du placard, c'est qu'il y en a davantage, parce que les Américains ont été les premiers à se gorger de perturbateurs endocriniens dans toute leur nourriture industrielle. Alors, c'est une idée tout à fait, mais je n'ai pas retrouvé ces études. Je me souviens que la revue Element, dans les années 80 ou 90, a repris ces études américaines qui montraient cette origine chimique, en quelque sorte, de l'homosexualité sur le fœtus. Mais pour revenir à Orlando... Orlando, c'est le problème des armes. Alors, vous savez, une arme, les armes ne tuent pas. Une arme, c'est un outil, c'est peut-être pas un outil, c'est une force. Le problème, c'est pas le nombre de forces qui sont dans un pays, c'est la qualité. Ce n'est pas la quantité de forces qu'on peut avoir, c'est la qualité de ceux qui les utilisent. Bien sûr, objets inanimés, avez-vous donc une âme et une volonté? Les armes n'ont pas d'âme, elles n'ont pas de volonté, les armes ne tuent pas. Malheureusement, il y a 300 millions d'armes aux États-Unis et la population... lorsqu'il y a un crime comme ça, on incrimine toujours... On va parler de l'arme qui a été utilisée, c'est un semi-automatique. On ne parle jamais de la qualité de la personne qui a fait ça. Oui, et vous citez par ailleurs, plus loin, une statistique qui n'est pas inintéressante, qui montre que... si on ne prend que la population d'origine européenne aux États-Unis, eh bien, elle a une criminalité... Ouais, non, je reprends Ann Coulter. Ann Coulter, qui est une commentatrice très conservatrice, très, très détestée par les liberals, par les progressistes américains, et qui, comme les statistiques criminelles, tiennent compte des ethnies aux États-Unis. On peut. Elle a pu voir qu'elle a dit... C'est à peu près le taux de crime de la Belgique, la criminalité des Américains d'origine européenne. Mais les Belges, maintenant, ils sont dangereux. Hein, ça dépend, c'est pas les mêmes. Oui, ils ont changé. Non, ça c'est... Oui, c'est Ann Coulter qui s'était distinguée à l'époque de Charlie Hebdo en disant que si les Français voulaient éviter les attentats, plutôt que de défiler dans les rues... Il ferait mieux d'arrêter d'importer massivement des musulmans. Ça, c'est la phrase d'Ann Coulter qui a fortement déplu. Et vous êtes contre? C'est-à-dire que, bon, Ann Coulter dit, c'est fait très mal voir aux États-Unis, parce qu'elle a dit que si la quasi-totalité des musulmans n'étaient pas des terroristes, il lui semblait par contre que de nos jours, la majorité des terroristes se recrutaient parmi les musulmans. Ce qui n'est pas la même chose. Damned. Damned. Damned. Bon, alors, page 43, vous avancez que la nouvelle forme qu'a pris l'islam va enfin construire ce qui n'existait pas depuis, ce qui a peut-être existé au XIe siècle, mais qui n'existe pas depuis bien longtemps, c'est-à-dire l'Oumma qui transcende les nations. Parce que les nations, c'était vraiment la période... je termine ma Excusez-moi. Question. Dans les années, dans l'époque moderne et contemporaine, il n'y a qu'à voir, n'existait pas, et les nations étaient très fortes. Par exemple, la tentative de République arabe unie en 56-58 a lamentablement échoué. Donc les musulmans et les arabes étaient très attachés à leur nation. Vous pensez que c'est en train de disparaître ? C'est-à-dire que la montée de la religion rend les nations moins importantes, certainement. Ah oui. La montée des faits religieux. Parce que j'ai vu, on a vu quand même la guerre algéro-marocaine, la guerre malaiso-indonésienne. Alors malaiso-indonésienne, c'est la même langue, c'est la même religion. Ils sont sacrément des jeux de pouvoir. Derrière les uns, il y avait les Américains, les autres, les Anglais. C'est peut-être ça aussi. Des rivalités économiques locales. Très fortes. Donc pour vous, actuellement, on est sur la montée vraiment très très forte de l'islam par rapport à tous les autres faits dans les pays qui sont... C'est le retour de la religion, au moins de celle-là, oui, le retour du fait religieux. Et pourquoi ne parle-t-on pas des atteintes aux droits de l'homme en Arabie Saoudite ? Ça, c'est... Je vous pose la question, je n'y réponds pas. Parce que ce sont les alliés des Occidentaux. Vous savez, les attentats de New York ont été accomplis par des Saoudiens, mais les Américains n'ont rien fait contre... Ils sont allés chercher Saddam Hussein, ils n'ont rien fait contre l'Arabie Saoudite. Alors que pratiquement tous les terroristes qui ont fait sauter les tours à New York étaient... Saoudien. Et qu'il y a d'ailleurs un sénateur américain qui est en train d'essayer de faire sortir un dossier qui établit clairement qu'il y avait des réseaux de soutien saoudiens aux États-Unis pour aider les... Et Clinton en particulier. Oui, oui. Bon, donc, et pour aider aussi, les terroristes. Hein. Mmh. Bon, sur cette question de l'islam, que pensez-vous de la position de la droite française ? En particulier d'Alain Juppé, tiens. Mais intelligent de nous tous. Alain Juppé devrait lire un texte de Jacques Ellul qui s'appelle « Islam et judéo-christianisme », qui est un très bon petit texte de Jacques Ellul. Qu'est-ce qu'il y apprendrait? Et aussi l'obsession anti-américaine, qui est un des derniers livres de Jean-François Revel. Jean-François Revel. Jean-François Revel, qui a écrit un ouvrage après les attentats qui s'appelle « L'obsession anti-américaine ». Père de Mathieu Ricard, le bonze. Oui, oui. Et Jean-François Revel dit que s'il existe d'innombrables musulmans tout à fait modérés et tolérants, ça vient essentiellement d'un environnement culturel et institutionnel qui n'est pas musulman. Jean-François Revel ne croit pas beaucoup à l'islam, religion de paix et de... Donc il croyait, puisqu'il est mort, Dieu et son âme, il croyait à la taqiya avant tout. Oui, je pense, oui. Et... C'est un texte assez étonnant d'ailleurs, le texte de Jean-François Revel. Mais c'est intéressant de voir que des gens comme Revel et Ellul, qui sont quand même, comment dirais-je, Revel n'était pas démocrate chrétien, mais Ellul était protestant, Revel était voltairien, donc, et c'est tous les deux des modérés, mais de chez modérés, hein, ce n'est pas bien sûr. Donc, et les textes que vous citez sont très clairs, hein. Eux, ils faisaient l'analyse que font tous les gens de bon sens, que l'islam est une religion de conquête. Je pense, mais je pense que c'est plus audible aujourd'hui. Ce texte, ce sont pratiquement leurs derniers écrits, hein, à tous les deux. Le texte Islam et judéo-christianisme, je crois que c'est la collection Kadrige, au PUF, qu'a sorti Ellul. Je ne sais même pas si c'est pas un ouvrage posthume. Et quant à Jean-François Revel, l'obsession anti-américaine, ça doit être presque son dernier volume. Et à la fin de leur vie, ils ont voulu alerter l'opinion contre une menace qu'ils sentaient. Et je ne pense pas qu'ils n'ont pas été écoutés, en quelque sorte. Il y avait aussi Claude Lévi-Strauss, qui a dit à peu près les mêmes choses que Jacques Ellul et Jean-François Revel. Oui, tout ça, c'est tout de même pas l'extrême droite. Ou alors, ça peut devenir l'extrême droite. Non, absolument pas. Ellul était de gauche. Je pense même qu'il a failli travailler une fois avec Guy Debord. Jean-François Revel était aussi... Il a même été candidat de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, si mes souvenirs sont exacts. C'est exact. Jean-François Revel. Ce n'étaient pas des gens d'extrême droite du tout. Mais ils ont vu une menace dans l'islam et ils ont essayé d'avertir leurs concitoyens un peu de temps avant leur mort. Et ça n'a rien donné. Alors pourquoi cette... D'abord, on sait que les hommes politiques sont aveugles, mais là, ils sont en plus sourds, si je comprends bien. Pourquoi ils n'ont pas entendu cette... Parce que vous savez... si Jean-Marie Le Pen, si moi-même, disons des trucs comme ça, on va dire, bon, d'accord, on sait bien, c'est des nazis d'extrême gauche. Mais si c'est Revel et si c'est Ellul quand même, moi, Ellul, quand on était petit, encore une fois, était plutôt bien vu, justement, un homme de gauche protestant indiscutable, quoi. Ellul est bien vu aujourd'hui, il est très connu aux États-Unis. En Corée, je crois qu'il y a une grande partie de son œuvre qui a été traduite. Il circule aussi à l'Extrême-Orient. Des gens comme José Bové se réclament de lui, même Noël Mamère. Jacques Ellul a inspiré des courants écologistes. C'est un auteur important. Et aux États-Unis, il est étudié. Il y a un de ses livres qui s'appelle The Technological Society qui est très connu aux États-Unis. Oui, parce que ce sont des ouvrages internationaux, comme le Jean-François Revel. Et comment vous citez, vous dites alors exégèse des nouveaux lieux communs en anglais? Non, parce que vous savez qu'on va se faire gronder par Henri, hein, parce faut parler français aussi. Oui, c'est parce que le sans Marx, c'est le titre anglais. Sans Marx ni Jésus de Jean-François Revel. Without Marx. Il l'a vendu dans de nombreux pays. C'était un ouvrage qui a eu un retentissement international. Ceci dit, Ellul et Revel, ils ont marché à contre-courant. À l'époque où Sartre a fait 9 voyages en URSS, à l'époque de Staline, étaient tous les intellectuels français chantaient les louanges de l'Union soviétique. Jacques Ellul et puis Jean-François Revel n'étaient très. Ils étaient déjà peu écoutés. Au début de leur carrière. Ils étaient marxisto-sceptiques, comme on dit, voilà, bien sûr. Alors, j'ai l'impression que, je ne veux pas m'avancer, mais j'ai l'impression que justement, la classe politique française, une certaine classe politique française, qui est très bien représentée par Alain Juppé, n'a pas très bien compris la double nature de l'islam, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement religieuse, mais effectivement juridique et politique. Et notamment, vous dites des choses sur le voile qui sont assez intéressantes. Sur à quoi ça sert le voile, par exemple? Pourquoi il y a des voiles? C'est-à-dire que, en dehors, l'analyse du voile par nos élites ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire qu'en général, il y a des considérations féministes sur ce que cela révèle du statut de la femme, oui. Alors qu'il s'agit d'autre chose. De marquer, d'islamiser l'espace public, de montrer son ombre, de montrer sa force et de faire une séparation très nette entre les adeptes de la vraie religion et les infidèles. Exactement, les voiles, c'est comme les étourneaux qui se mettent sur un arbre, et puis comme ça qu'on se compte, une manifestation de force. Et les prières de rue, quand on peut les faire dans d'autres endroits, car... Mais ils n'ont pas d'argent, ces pauvres gens. Non, c'était des organisations qui étaient soutenues par le Koweït, l'Arabie Saoudite, etc. C'est pour aussi marquer l'espace public. Et donc, ce sont des moyens et des manifestations de conquête. Alors, il est 19h04, vous écoutez le Libre Journal de la Liberté Surveillée de Martin Pelletier. Je reçois ce soir Luc Gaffier pour son ouvrage « La Bobocratie ». Et nous avons quelques questions de spectateurs, heureusement, d'auditeurs. C'est encore un homme qui nous dit « La cupidité est devenue la valeur numéro un de notre société et donc notre destruction. Que pensez-vous de l'expression « gauche du travail et droite des valeurs » ?» Ça, c'est... Il y a aussi une droite du travail, hein, parce que la gauche... La droite du travail, parlons-en, qui c'est la droite du travail ? La droite du travail, c'est... vous savez les... Patrice de la Tour du Pin. Non, mais les chefs... ça, Albert Demain. Oui, mais ça c'est un autre temps, malheureusement. Mais par exemple, je suis toujours étonné quand on s'indigne des salaires disproportionnés de certains chefs d'entreprise, car... surtout lorsque ça vient de certains éditorialistes et journalistes et de vedettes de télévision qui gagnent pratiquement autant que les gens qu'ils conspuent sur antenne. Par exemple, le salaire de Carlos Ghosn, moi, ne m'a pas absolument pas choqué. Il a remonté une entreprise, il a permis de ne pas couler des emplois alors que partout en France, tout va à volo. Moi, je trouve que si on veut avoir un patron de qualité, malheureusement, dans un monde ouvert, il faut le payer son juste prix. Alors, c'est le salaire de Michel Drucker ou celui de Nagui Bon, je ne veux pas dire ce que je pense de tout ça. Je sais que... Ça peut paraître scandaleux, mais malheureusement, les gens qui sont capables de diriger des entreprises comme Nissan, Renault, etc., et de bien les mener, ne se trouvent pas très facilement. Message d'un auditeur. Vous avez parlé de la pollution. Pourquoi ne pas avoir généralisé la technique de la voiture électrique dans tous les pays ? Alors là, c'est une question qui vous intéresse peut-être. Ouais. Si l'électricité... n'était pas... Bon, le nucléaire, je sais que vous êtes pour le nucléaire, moi je suis un peu sceptique sur des déchets... Vous avez le droit de ne pas être de la l'interviewer. Il faudra peut-être un jour qu'on arrive à résoudre, on pourra peut-être résoudre le problème des déchets, mais pour le moment, il y a un problème de déchets qui n'est pas tout à fait résolu dans cette industrie-là. Et puis il y a un autre problème qui est tout simple, c'est que la voiture électrique, elle est très polluante à produire aussi bien qu'une autre voiture. Bon, mais c'est un détail, comme disait l'autre, comment s'appelait-il déjà ? Oui, ce qui est amusant, parce que vous ne traitez pas toujours votre sujet, parce que vous perdez dans des méandres, mais c'est bien l'argent. Ça revient. Plus intéressant, c'est justement quand on fait un peu de... des excursions. Par exemple, le rôle dialectique dont vous allez nous parler, de Latifa, c'est la mère d'un soldat qui avait été assassiné par Mohamed Merah. Alors racontez-nous ce qu'elle a fait, Latifa, et en quoi ça illustre notre... Oui. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Elle va dans des écoles pour prêcher la paix, mais malheureusement, elle rentre voilée, elle circule voilée dans des écoles publiques, tout au moins, où le port du voile est quand même interdit par la loi. Et là, il y a quand même un petit problème. Donc c'est amusant, c'est une mère d'une victime. Une victime. Qui est tout à fait de bonne volonté. Oui, absolument. Et qui sert de l'autre côté. Voilà. C'est le paradoxe. C'est un paradoxe, oui. C'est quelque chose qui m'a choqué. Alors, le bobo, et d'ailleurs l'opinion publique en général, on sait que le mot islam veut dire soumission, et Houellebecq a écrit un roman intéressant là-dessus, même si c'est un peu vite fait. Mais pourquoi se soumet-il ? Pourquoi les gens qui n'ont pas de conviction forte se soumettent-ils à l'islam ? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Non, parce que justement, parce qu'ils n'ont pas de conviction. Pour pouvoir résister à une religion, il faut avoir au moins une autre religion, même mais si c'est une religion laïque. Il pourrait simplement avoir un peu d'esprit critique ou dire ben nous, ce qu'on aime, c'est être tranquille, c'est la laïcité, le vin rouge. Voilà, non, ça ne suffit pas. Les élites françaises ont été aveugles pendant très longtemps face au communisme et aujourd'hui elles sont aveugles face à la religion musulmane. Quand on voit que le président Obama dit Daesh n'a rien à voir, j'ai cité la phrase, ouais. Il dit Daesh n'a rien à voir avec la religion musulmane parce qu'aucune religion, dit le président Obama, n'a jamais demandé que l'on massacre des gens. Là il se trompe. Légèrement, parce que... Il est comme Juppé, il n'a pas lu le Coran. Non, mais ce n'est pas simplement le Coran. Dire que qu'aucune religion n'a jamais fait massacrer les gens, c'est quand même une grave erreur. Ça dépend si on parle des textes ou des gens. Oui, voilà. Voilà. Mais c'est pas non plus c'est un intellectuel comme Juppé, Obama, on peut dire ça comme ça. Oui, mais là, il y a un déni très très fort dans les élites occidentales aujourd'hui. Mais le déni face aux communistes était encore plus grand. Le déni des intellectuels français dans les années 50-60 face aux communistes. Et est-ce que le fond du problème n'est pas la peur ? Parce que je veux vous citer quelque chose qui, effectivement, qui m'était complètement sorti de l'esprit, c'est la réaction de l'Espagne quand il y a eu des attentats. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un parti qui voulait retirer les troupes de la coalition, c'est ce que demandaient les islamistes. Oui. Et c'est ce parti qui a tout de suite... Alors que le parti de Popular était en tête. Oui. Oui, c'est donc il suffit de faire peur, finalement. Ah oui, la peur existe, en Angleterre en particulier. Pourquoi en Angleterre, Parce qu'en Angleterre, l'islam est très puissant. Il y a des grands seigneurs comme le comte de Yarborough. Il y a énormément de personnalités célèbres en Angleterre qui se sont converties à l'islam. Vous avez la petite fille du Premier ministre Herbert Asquith. Vous avez aussi des hommes de lettres. La sœur du concurrent conservateur du maire de Londres, Zach Goldsmith, qui était souverainiste, et sa sœur a épousé un Pakistanais et s'est converti à l'islam. Oui. C'est très bien porté en ce moment au Royaume-Uni. Le fils de Lord Burt, qui était directeur de la BBC aussi, il y a beaucoup de gens célèbres qui se convertissent. Et on ne peut pas se moquer impunément de la religion musulmane en Angleterre. Je cite le cas de quelqu'un qui a été lourdement condamné pour s'être agenouillé ou avoir fait un simulacre de religion devant son pub. Il était bourré. Apparemment, il était. Qu'est-ce qu'il a fait Il a dû imiter les prières musulmanes et on l'a pris en photo, on a porté plainte, il a été lourdement condamné. Condamné pour cette pied à quatre pattes Et alors je dis fois qu'on est bourré, on se fait condamner pour. Non, non, mais parce qu'il a dû peut-être. Il a dû peut-être se moquer de. Mais je dis, lorsque dans les gay pride il y a des faux ecclésiastiques qui bénissent la foule, ils se moquent aussi d'une religion. Oui. Et là, on ne leur dit rien. Ah. Ben oui, il y a deux points de mesure. Dans les gay pride, il y a souvent des fausses nonnes et des faux ecclésiastiques qui bénissent la foule. Non, mais en dehors du deux points de mesure, il y a quelque chose qui est inquiétant au point de vue intellectuel, c'est que comment peut-on juger en permanence des intentions des gens et du délit d'offense ou du manque de respect? C'est ça la vraie question. Mais parce qu'il y a des lois qui sont passées, je ne suis pas tellement au courant, récemment en Angleterre, vous avez un homme politique qui a cité un texte de Winston Churchill, c'est The River War, c'est sur les guerres du Soudan, et qui expliquait que la religion musulmane était une religion qui fait du prosélytisme. Il a été arrêté en Angleterre. Ah, j'ai même le texte sous les yeux, vous voulez que je vous lise. « Loin d'être moribonde, la religion de Mahomet est une foi militante qui fait du prosélytisme. Elle s'est déjà répandue dans toute l'Afrique centrale, à l'époque déjà, maintenant c'est toute l'Afrique, sauf le Sud, en suscitant des vocations guerrières intrépides à chaque pas. » Et si le christianisme n'était pas protégé par la force de la science, science contre laquelle il a combattu en vain, la civilisation de l'Europe moderne pourrait s'effondrer comme s'est effondrée la civilisation de la Rome antique. Voilà. C'est ce que disait Winston Churchill au début du XXe siècle dans un livre qui s'appelle « The River Wars ». Ça veut dire en fait que quand il parle de la science, il veut parler des rifles, des fusées, de quoi se défendre, voilà, oui. D'accord. De quoi se défendre. Oui, bon. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, on est attaqué en justice quand on cite ce... Là, il a été arrêté. Il avait lu ce texte en public et il a été arrêté, ce personnage. Je cite son nom, c'est le chef d'un petit parti libertarien. Ça s'est passé dans le sud de l'Angleterre. Paul Weston, voilà, comme les chaussures. Voilà. Et ça veut dire que nous, on risque d'être arrêtés à la sortie du studio. Je crois que... On se plaint quelquefois, mais je crois que la liberté de penser est encore plus attaquée en Grande-Bretagne. Oui, au Canada en particulier. Qu'en France. Oui. D'ailleurs, vous parlez quelque part de la BBC qui passe chez nous pour la fleur des pois. Vous montrez, parlez-nous-en, qu'elle n'est pas du tout objective et qu'elle fait un travail de propagande. Ah oui, je cite un livre, une étude qui a été faite sur le temps de parole accordé aux partisans d'une immigration limitée ou choisie et d'une immigration de masse. Et on voit que la BBC est tout à fait contre une immigration limitée ou choisie. Elle est aussi très, très en faveur de l'Europe de Bruxelles, si bien qu'elle a été surnommée Brussels Brainwashing Corporation, c'est-à-dire le lavage de cerveau bruxellois. Ah oui, carrément. Hein. Alors, on n'arriverait pas à finir parce que là, j'ai encore 72 questions à vous poser. Il est 19h16, vous écoutez le Libre Journal de la Liberté Surveillée avec ce soir Luc Gaffier, la bobocratie. Il y a 12 000 questions, je vais donc vous en lire quelques-uns. Les musulmans sont mal structurés, il faudrait une meilleure formation pour les catholiques qui veulent se convertir. On les fait attendre. Alors, je ne comprends pas bien, mais je lis quand même. Puisque le voile des femmes est autorisé, pourquoi les chrétiens ne pourraient pas porter une grande croix? Bon, on la porte, notre croix, tous les jours. Ça. Obama est né musulman, élevé 15 ans dans une école coranique. Il s'est converti ensuite au christianisme. Donc, il est faux de dire qu'il n'a pas lu le Coran. Il n'a pas lu le... Seuls les jeunes fils de Ben Laden viennent de lancer une fatwa en vengeance contre le... Non, c'est très difficile de lire des phrases qui ne sont pas jolies. Je ne pense pas qu'Obama soit un musulman. Il s'appelle Hussein, son deuxième prénom. C'est Dinesh D'Souza, je pense, qui a fait un livre. Il y a des gens qui ont essayé de colporter cette rumeur, mais je ne pense pas que ce soit exact. À mon humble avis, Juppé sait très bien ce qu'il fait au sujet de l'islam. Il était seul français avec Catherine Pégard, qui est la conservatrice du musée de Versailles, à être invité au Bilderberg de 2015, où tout se décide, et dirigé par les Américains. Initiateur et soutien de Daesh. Alors, ça, en dehors de la question de Juppé, notre auditeur pense que les Américains sont derrière Daesh. Vous partagez cette opinion ? Non, pas tout à fait. Et puis, les théories un peu conspirationnistes sur Bilderberg, je suis un peu revenu de ça. Je n'y crois pas trop. Vous n'y croyez pas ? Pourquoi ? Non. Parce qu'il y a trop d'intérêts divergents, même parmi les gens qui se retrouvent dans ces groupes de pensée. Alors là, c'est quelqu'un qui me bluffe. Bonsoir. Ne sommes-nous pas actuellement plutôt en oclocratie, suivant la théorie de Nana Cyclose formulée par Polybe? Ce serait chouette, car juste après, c'est le retour à la monarchie. Mes humanités sont défaillantes. Eh bien, j'ai lu Polybe il y a très longtemps. Mais Nana Cyclose et l'oclocratie me bluffent. Oclo, je n'ai pas fait de grec, moi. Alors, donc, tant pis. Mais il faut savoir qu'en Albanie, Enver Hoxha, super stalinien, ce n'était pas le parti communiste qui dirigeait parti du travail d'Albanie, c'était le nom officiel du parti. Mais ces phrases ne sont ni faites ni à faire. Je ne peux pas répondre, on ne peut pas répondre à une question qui n'est pas formulée en français. Voilà, ça c'est pour répondre d'une façon générale, pour faire plaisir à Henri. Alors bonsoir. Pour la surpopulation, la superclasse mondiale, le 1% a une solution prouvée, d'ailleurs évoquée sur Radio Courtoisie. Bill Gates dépense des fortunes pour généreusement vacciner les femmes du tiers-monde. Ces vaccins, outre l'aluminium catastrophique, contiennent un élément stérilisateur, au motif que 500 millions de personnes suffisent à faire marcher une économie profitable. Alors là, on est en plein, justement... théorique, complotiste. Oui. C'est bon, c'est pas bon. Moi, je ne crois pas trop à ces choses-là, non. Vous n'y croyez pas. Alors revenons sur l'Angleterre, parce que l'Angleterre est un détour pratique. Pourquoi les pays anglo-saxons ont un détour pratique pour parler notamment d'immigration d'islam? Parce que les statistiques ethniques et religieuses sont permises. Alors, qu'est-ce que nous apprend l'enquête du Pew Research de 2013 sur l'islam en France? Parce qu'on sait des choses sur la France grâce aux Américains et aux Anglais. C'est une évaluation du nombre. C'est très difficile de connaître le nombre des... Ne serait-ce... Les clandestins en France ont tous affaire à l'État, tous bénéficient à un niveau ou à un autre des services de l'État. Pourtant, personne ne veut connaître le nombre des clandestins. Je crois qu'il y a la Cour des comptes qui a donné le nombre des déboutés du droit d'asile qui n'étaient pas... qui restaient définitivement dans le pays. Alors, quelquefois, on a comme ça des espèces de fenêtres, comme des gloires de soleil dans un ciel noir. Et c'est un défaut du système qui permet de... Ou alors, on a des aveux. Vous parlez d'un ambassadeur de France en Algérie qui a donné un chiffre. Oui, oui. Qui est de... je crois, 7 millions de... Vous croyez bien, enfin, c'est ce que j'ai lu. J'espère que vous... Je n'y étais pas. Non, donc, pas. C'est-à-dire je n'étais pas à Tlemcen. 7 millions, c'est quand même 7 millions pour les seuls Algériens. Oui, mais bon, c'est un chiffre qui a été contesté quand même, hein, je dis, et s'est fait un peu taper sur les doigts, je pense. Oui, mais tous les chiffres sont contestables. L'essentiel, c'est qu'on voudrait avoir des éléments pour les contester. Voilà. Et vous dites, alors là, c'est un gros reproche que je vous fais, hein, parce qu'on a encore quelques minutes pour faire des reproches. Vous dites que vous citez une enquête de Thierry Desjardins de 1996, dans laquelle ce grand reporter du Figaro note et établit que l'État et ses services et tout le système en France fait tout ce qu'il peut pour que, notamment l'INSEE, hein, pour qu'on n'ait pas de données fiables et complètes sur l'immigration. Mais pourquoi citez-vous Desjardins qui a fait de bonnes choses, hein, mais et ne citez-vous pas d'autres qui en ont fait d'excellentes, et bien avant lui, par exemple le Gallou, comment s'appelle-t-il, l'énarque là qui a fait un truc, le rapport Mioz, de très bien Mioz, fait. J'aurais pu parler de est-ce que Yves-Marie Lolland, il ne faut pas avoir peur de son nom. Oui, ici à Radio Courtoisie, nous avons le droit de parler de tout bien et de citer de toutes les sources. Sinon, on tombe dans le piège, c'est l'extrême droite, on n'en parle pas. Non, mais je cite Lolland plusieurs fois. Oui, hein. Vous avez cité Lolland, pas le Gallou, dont le dernier livre, avez-vous lu L'immigration, la catastrophe, que faire. C'est une somme. Absolument. Vraiment, un travail, un travail énorme. Nous n'avons plus que 5 minutes, me fait ce ton signe, mais il faut citer des gens comme ça. C'est vrai. Parce qu'ils font un travail sur un long terme, quand même, 30 ans, qui se pèlent travail. Je ne sais pas du tout pour mettre en cause Desjardins, qui est un truc très bien, voilà. Mais parce qu'il me semblait qu'il était un peu oublié, Desjardins. C'est vrai. Il a eu son heure de gloire à l'époque. En 96, et c'était un ouvrage, c'était un texte très très fort, ça. Alors, dans les stratégies du déni, vous en analysez une pas mal, à page 63, c'est la fonction des discussions théologiques sur l'islam. Parce que, effectivement, les docteurs d'islam, tous peuvent prendre le même hadith ou la même phrase et verset. Il y a les sourates invalidées, les sourates invalidantes, les sourates circonstancielles, les sourates essentielles, etc. On peut discuter à l'infini sur les textes. Oui. Ce qui est important, c'est ce qui se passe concrètement dans les pays où cette religion devient la loi publique. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Poser la question, c'est y répondre. On suffit de regarder où partout où cette religion est au pouvoir. C'est-à-dire, par exemple, chez nos amis du Qatar, par exemple. Oui, par exemple. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est moi, ce qui m'intéresse plutôt qu'il y a de certains pays qu'on connaît. Mais l'exemple indonésien est assez marrant parce que c'est un pays qui a longtemps où l'islam n'est pas très bien implanté, très récent, hein, souvent, et où les Néerlandais avaient quand même fait pas mal de prosélytisme, et puis le Malais n'est pas très, fanatique. Si, il est fanatique autrement, mais il n'est pas très religieusement fanatique. Et on les voit se faire grignoter, 3 minutes de grignoter, c'est très, très intéressant, petit à petit, par un bout de charia par-ci, un bout de charia, l'interdiction de Allah, du mot Allah pour les non-musulmans, c'est très intéressant. Alors, on va terminer là-dessus, parce qu'on n'a plus que 2 minutes et demie, sur l'affaire Neith, j'aime bien si je prononce bien, Neither. Oui. Andrew Neither. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un conseiller de Tony Blair qui a révélé qu'une politique d'immigration avait été menée pour essayer de faire de la Grande-Bretagne un pays vraiment pluriethnique et aussi pour importer de nouveaux électeurs pour le Labour Party, puisque le Parti socialiste anglais se présente depuis longtemps comme le champion de la cause des immigrés. Et donc, en important des nouveaux... Un peu comme Terra Nova en France. Et voilà, c'est un peu ça. Et alors, Mais alors, excusez-moi de vous couper, parce qu'on n'a plus que 2 minutes. Les rapports de l'ONU demandant des dizaines de millions de migrants en Europe, parce qu'on en a besoin pour notre économie et pour nos retraites, c'est quoi alors? Je ne sais pas si on importe aussi des chômeurs. Je ne sais pas si tous les gens qu'on importe seront travailleront assez pour nous payer nos retraites. Et donc, l'argument écologique, économique, pardon, n'est qu'un paravent pour... Je ne sais pas. Ben, c'est ce que disait Never. Ça, c'est oui. Là, vraiment, l'argument économique était qu'un paravent. Et Andrew Never a fait un petit scandale en révélant ceci, oui, en Grande-Bretagne. C'est... Donc, en Grande-Bretagne, ils mentent autant sur l'immigration qu'en France. Voilà, oui. Il y a eu seulement la différence qu'en Grande-Bretagne, ils l'admettent. Parce qu'en 2013, il y a eu un rapport sur le trucage des chiffres, non ? Un rapport sur le trucage des chiffres de l'immigration en Grande-Bretagne. C'était les méthodes qui étaient les méthodes utilisées étaient celles qui mesuraient les flux touristiques. C'était à peu près adapté. Oui, j'ai monté ça. Oui. Ah oui. Alors donc. Donc c'était très très subjectif. Apparemment, les gouvernements pouvaient donner à peu près. C'était là, ils sont 2 millions. Oui, il n'y a plus que 1 million d'étrangers. C'était les méthodes pour calculer les flux touristiques qui étaient un peu manipulées pour essayer de trouver l'immigration, les chiffres de l'immigration. Eh bien, on va terminer là-dessus, parce que là, on me fait des signes de l'autre côté. Donc, merci Luc Gaffier. Donc, vous avez écrit « La bobocratie, une classe à part » aux éditions Xenia, une des éditions suisses. Eh bien, à tout de suite pour la suite de l'émission.